sauvage. Et moi je murmure une égale à tout ce qui m'évoque le mal. Sentir un souffle me happer, tout comme le temps me kidnapper.